bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour mon coup de cœur hebdomadaire. Donc, cette semaine, mesdames et messieurs, mon coup de cœur, c'est un manga. C'est l'adaptation d'une grande saga de jeux vidéo, mais vraiment grande, là, pour le coup. J'ai nommé The Legend of Zelda. Et plus précisément, Twilight Princess ce coup-ci. Donc, déjà, pour commencer, j'ai absolument pas joué au jeu Twilight Princess. Donc, je vous dirai pas s'il ressemble au jeu ou je ne sais pas trop quoi. Même si selon certaines personnes, il ressemble. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse jeu vidéo tout vite, hein, parce que j'y joue à beaucoup de Zelda moi-même. Si jamais vous cherchez un Zelda pour lequel jouer à Breath of the Wild, il est super, voilà. Bref, excusez-moi, ferme parenthèse. Bon, bref. Reconcentrons-nous sur le manga. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas le jeu vidéo, ou que ça intéresserait de lire, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de début, sans vous spoiler, on va dire. Donc, en gros, si vous voulez, c'est l'histoire... Au début, ça se passe au village total. Donc, un beau petit village de campagne, hein, loin des grandes villes, du château et compagnie. Parce que je précise que niveau technologie, pour ceux qui connaissent vraiment pas, ils sont niveau Moyen-Âge, hein, château, roi, princesse, on se déplace à cheval et compagnie. Il n'y a rien de technologique. Donc, voilà. Et notre ami Link, notre héros... ces personnes qu'on suit, il peut être relativement fier de lui, car sa gentillesse, son courage et sa dévotion, hein, super, lui ont permis d'être totalement intégré dans ce village, cette communauté presque, parce que à ce niveau-là, c'est des communautés. Mais notre ami Link a une peur. Bon, vous me direz, ouais, rien, normal, tout le monde a des peurs, hein. C'est humain. Sauf que, il a peur du passé. C'est un petit peu moins commun là déjà. Et il a peur que les autres villageois découvrent le terrible secret lié à son passé. Il a tellement peur qu'il n'endort plus les nuits. Ah ouais, carrément. Il doit être fatigué. Mais si ses insomnies et ses cauchemars et le fait qu'il ne dorme plus annonçaient aussi le retour imminent des êtres maléfiques du monde de la pénombre, ceux qui ont détruit son ancien village. Tout petit spoil. Et si cela est avéré, comment faire pour les empêcher de semer à nouveau le chaos? Ah oui, parce que le chaos, c'est pas bien, hein. C'est pas bien le chaos. Bref, et si cela est avéré, bien évidemment, j'ai pas dit que c'était avéré. Donc, vous saurez tout ça en lisant le manga, hein, grand récit de fantastique, mêlé d'aventures et compagnie. Voilà, super. Donc, actuellement, la saga, elle compte 5 tomes. C'est pas sûr qu'il y ait un sixième, j'ai rien trouvé sur un sixième, et j'ai pas lu le tome 5. Donc comme ça, je peux absolument pas vous dire si c'est la fin ou pas. Donc on va dire que la série s'arrête au tome 5 pour l'instant. On verra bien pour la suite, mais c'est pas sûr, voilà. Donc ce manga, il a été édité aux éditions Soleil Manga, et il a été dessiné par le duo de mangaka japonais Akira Hime... Attendez, je m'entraîne. Himekawa. Voilà, c'est un peu compliqué la prononciation. Donc, les mangakas, du coup, ils sont deux. Donc, voilà, c'est un manga que je vous conseille très fortement. Je me répète une petite fois. Zelda, The Legend of Zelda Twilight Princess en manga. C'est franchement un très bon manga. Voilà. Pour le petit suspense, je vous annonce déjà le sujet de la semaine prochaine qui sera Cherub. En gros, c'est une sorte d'agent secret. En gros, c'est une sorte de... d'association d'agents secrets mais avec des gamins entre 12 et 18 ans. Voilà. Bref, donc à la semaine prochaine pour un prochain coup de cœur sur Radio Gamozo. Bye.